Le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de la Maison d'édition de la littérature et des arts a eu lieu le 25 juillet au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, et le personnel de la Maison d'édition. Kim Gi-nam a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du travail de Corée aux journalistes, rédacteurs et cadres de la Maison d'édition. Le message a noté que la Maison d'édition de la littérature et des arts, fondée le 25 juillet de l'an 35 du Juche 1946, s'est développée en centre puissant de publication et de propagande de la littérature et des arts du Parti du Travail de Corée, sous la direction éminente du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Il a apprécié haut les journalistes, rédacteurs et cadres de la maison d'édition qui ont publié beaucoup d'œuvres d'haute valeur idéologique et artistique pour contribuer activement aux activités idéologiques de notre parti.